France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Vous frappez les médailles, oui, une médaille représentant l'Eda et son signe. Vous gravez les cachets, oui, un cachet sur lequel sont représentés Saint Jean et Saint Ambroise. Il y a aussi un reliquaire émaillé pour un cardinal. Il sait tout faire, Benvenuto Cellini. Ne se vante-t-il pas? Pour 700 écus d'or par an, il s'offre à François Ier. Benvenuto Cellini n'aime pas, cela dit, que l'on touche à son bien, ainsi à Catherine. Quant à Ascanio, alors qui est Ascanio? Mais en fait, qui est le héros de la pièce que nous allons entendre? Benvenuto Cellini, le maître, ou Ascanio, son jeune apprenti? Ascanio, bien sûr. Ascanio, le roman d'Alexandre Dumas, adapté pour la radio en 1962 sur la chaîne France 3 nationale. Attention, l'intrigue commence. La radiodiffusion télévision française présente Ascanio de Patrice Galbaud d'après Alexandre Dumas avec Claude Génias, la duchesse d'Étampes, Jean Davy, Benvenuto Cellini, Roland Bourdin, Ascanio, Henri Nassier, Robert d'Estourville, Janine Patrick, Colombe d'Estourville, Renaud Marie, François Ier. Et Madeleine Sylvain, Inès Nazaris, Odile Mallet, Claude Pieplu, Patrice Galbaud, Robert Chandot, Jean Péméja, Pierre Garin. Réalisation Henri Soubéran. Votre maître s'inquiétait, Ascanio. Il est tard. Le voilà. Ah, ça, d'où arrives-tu, coureur? J'arrive de courir pour vous, maître. Depuis le matin? Oui. Dis plutôt que tu te seras mis en quête de quelque aventure. Eh bien, quand cela serait, voyez le grand mal. D'ailleurs, il est assez joli garçon s'il ne court pas après les aventures pour que les aventures courent après lui. Catherine! Allons, vous n'allez pas être jaloux de lui, le pauvre. Mais Jésus, comme il est pâle. Est-ce que vous n'auriez pas soupé? Ah, tiens, non, j'ai oublié. Ah! Alors je me range à l'avis du maître. Il a oublié qu'il n'avait pas soupé. Il est amoureux. Roberto, vite à souper pour Messire Ascanio. Bien, maîtresse. Tu as couru pour moi toute la journée, Ascanio. N'avez-vous pas dit hier qu'il vous fallait un autre atelier? Si. Eh bien, je vous en ai trouvé un, moi. Où ça? Connaissez-vous l'hôtel de Nel? À merveille. Pour avoir passé devant, car je n'y suis jamais entré. Sur l'apparence, vous plaît-il? Bien sûr, mais il est occupé. Dans le prévôt de Paris, Messire Robert d'Estourville, qui s'en est emparé sans y avoir aucun droit. D'ailleurs, pour mettre votre conscience en repos, il me semble que nous pourrions parfaitement lui laisser le petit Nel et nous contenter, nous, du grand Nel, avec ses cours, ses jeux de boules et son jeu de paume. Il y a un jeu de paume? Plus beau que celui de Santa Croce à Florence. Perbacco, c'est mon jeu favori. Tu le sais, Ascanio. Ah oui. Et puis, maître, l'emplacement est superbe. Et quel air! L'air de la campagne. C'est pas comme cet affreux coin où nous moisissons. Là-bas, vous avez le préau clair d'un côté, la Seine de l'autre, et le roi, à deux pas, dans son Louvre. Mais à qui appartient ce diable d'hôtel? Au roi. Au roi? Hein? Répète cette parole, mon enfant, l'hôtel de Nel est au roi? En personne! Maintenant, reste à savoir s'il consentira à vous donner un logement si magnifique. Qui? Le roi? Comment s'appelle-t-il, Ascanio? François Ier. Ce qui veut dire que dans 8 jours, l'hôtel de Nel sera ma propriété. Mais le prévôt de Paris se fâchera, peut-être? Que m'importe! Et s'il ne veut pas lâcher ce qu'il tient? S'il ne veut pas... Comment m'appelle-t-on, Ascanio? On vous appelle Benvenuto Cellini, maître. Ce qui veut dire que s'il ne veut pas faire les choses de bonne foi, ce digne prévôt, eh bien on les lui fera faire de force. Sur ce, je vais me coucher. Le roi nous fait l'honneur de venir ici demain avec la duchesse d'Étampes. Il faudra mettre de l'ordre avant leur arrivée. Et toi, mon enfant, buon appetito. J'avais hâte de vous voir, Benvenuto. Voilà 2 mois que vous êtes arrivé dans notre royaume, et les soucis des affaires m'ont empêché de songer aux nobles soins de l'art. Prenez-vous-en à mon cousin l'empereur, qui ne me donne pas un moment de repos. Je lui écrirai si vous voulez, sire, et le prierai de vous laisser être un grand ami des arts, puisque vous lui avez prouvé déjà que vous êtes un grand capitaine. Vous connaissez Charles Quint ? J'ai cet honneur, sire. Il y a 4 ans, à Rome, sa majesté sacrée avait daigné s'intéresser beaucoup à mes travaux. Montrez-moi donc vos œuvres, que je vois si je ne serai pas un juge plus difficile. J'ai eu bien peu de temps, sire. Voici pourtant un vase et un bassin d'argent que j'ai commencé. Ils ne sont peut-être pas trop indignes de l'attention de votre majesté. Quelle merveille! Je crois que jamais les anciens n'ont rien fait d'aussi beau. Je me souviens des meilleurs ouvrages de l'Antiquité et de ceux des plus habiles artistes de l'Italie, mais rien ne m'a fait plus d'impression que ceci. Regardez donc, Madame d'Étampes, cet enfant perdu dans les fleurs et son petit pied qui s'agite en l'air. Comme tout cela est vivant, gracieux et joli. Autre chose. Voici une médaille représentant l'Eda et son signe. Voici un cachet où j'ai gravé Saint-Jean et Saint-Ambroise. Un reliquaire émaillé par moi pour le cardinal Cesarini. Vous frappez les médailles ? Comme Cavedone de Milan, madame. Vous émaillez là ? Comme Amerigo de Florence, si. Vous gravez les cachets ? Comme l'Antizzo de Pérouse. Mais ne croyez pas, madame, que mon talent se borne aux joyaux d'or et aux pièces d'argent. Je sais faire un peu de tout grâce à Dieu. Je joue de la flûte et du cornet. J'ai trouvé plus d'un secret pour faire d'excellentes poudres et je puis fabriquer des escopettes admirables et des instruments de chirurgie. Si votre majesté a la guerre, elle verra que je ne suis pas maladroit et que je sais aussi bien manier une arquebuse que pointer une couleuvrine. Et je tourne un sonnet aussi bien que votre Clément Marot. Eh bien, voilà un homme universel. Je suis votre serviteur, madame la duchesse. Benvenuto. Je rêve de 12 candélabres pour ma table. Qu'en penses-tu ? Vous serez obéi, sire. Que ces candélabres soient 12 statues d'argent, 6 dieux et 6 déesses, exactement à ma taille. Mais c'est tout un poème que vous commandez là. Une merveille tout à fait étonnante, n'est-ce pas, monsieur Benvenuto ? Je ne m'étonne jamais de rien, madame la duchesse. Ne pensez-vous pas que seul un sculpteur de l'Antiquité serait venu à bout d'une œuvre pareille. J'espère pourtant l'achever aussi bien que les anciens l'eussent pu faire, madame. Vous ne vous vantez pas un peu, maître Benvenuto? Je ne me vante jamais, madame. Quel trésor suffirait donc à payer un talent comme le vôtre? À ce propos, Benvenuto, serez-vous satisfait des appointements que je donnais à mon peintre, Leonardo da Vinci? 700 écus d'or par an. Je vous paierai en outre tous les ouvrages que vous ferez pour moi. Sire, ces offres sont dignes d'un roi tel que François Ier et, j'ose le dire, d'un artiste tel que Benvenuto Cellini. J'aurai pourtant la hardiesse d'adresser encore une demande à votre majesté. Elle vous est d'avance octroyée. Sire, je suis mal et à l'étroit dans cet hôtel pour travailler. Un de mes élèves a trouvé un emplacement meilleur pour les grands ouvrages que mon roi pourra me commander. Cette propriété appartient à votre majesté. C'est le Grand Nel. Elle est à la disposition du prévôt de Paris, messire Robert d'Estourville, mais il ne l'habite pas. Il occupe seulement le petit Nel, que je lui laisserai volontiers. Eh bien, soit. Installez-vous au Grand Nel. Je n'aurai que la Seine à traverser pour aller causer avec vous et admirer vos chefs-d'œuvre. Monsieur d'Estourville est un de mes amis, sire. Vous le privez sans motif d'un bien qui lui appartient. On ne frustre pas ainsi un gentilhomme. Je suis noble aussi, moi, madame. Ma famille descend d'un galant homme, premier capitaine de Jules César, nommé Fiorino, qui était de Cellino, près de Montefiascone, et qui a donné son nom à Florence, tandis que votre prévôt et ses aïeux n'ont encore donné leur nom à rien que je sache. Cependant, peut-être me suis-je montré bien hardi, sire. Je vais exciter contre moi des haines puissantes qui, malgré la protection de votre majesté, pourrait m'accabler à la fin. On m'a raconté qu'un jour, à Rome, un certain Cellini orfèvre avait gardé, faute de paiement, un vase d'argent que lui avait commandé Monseigneur Farnèse, et alors cardinal et aujourd'hui pape. C'est vrai, sire. On ajoutait que toute la maison du cardinal s'en vint, l'épée au poing, assiéger la boutique de l'orfèvre pour emporter le vase de vive force. C'est encore vrai. Ce Cellini s'était défendu vaillamment. Il avait mis les gens de Monseigneur en fuite et avait été payé le lendemain par le cardinal. Tout cela, sire, c'est l'exacte vérité. Eh bien, n'êtes-vous pas ce Cellini? Oui, sire. Que votre majesté me conserve seulement ses bonnes grâces et rien n'est capable de m'épouvanter. Alors, allez droit devant vous, puisque vous êtes gentilhomme. Sire, une dernière faveur. Laissez-moi vous présenter Ascanio, mon élève bien-aimé. Sire. Demandez-lui de vous sculpter un ange ou de vous grouper des nymphes. Nul n'atteindra à sa poésie et à sa grâce. Si Ascanio s'entend si bien aux choses gracieuses qu'il passe à mon hôtel des tempes un matin, je lui fournirai des pierreries et de l'or dont il pourra me faire épanouir quelques fleurs merveilleuses. Merci, madame. Mais quelle est cette belle enfant qui se cache dans ce coin? Ne faites pas attention, sire. C'est la seule des belles choses de cet atelier que je n'aime pas qu'on remarque. Vous êtes jaloux, Benvenuto. Mon Dieu, sire, je n'aime pas que l'on touche à mon bien. Soit dit sans comparaison, c'est comme si quelqu'un s'avisait de penser à Madame d'Étampes. Vous seriez furieux, sire. Catherine, c'est ma duchesse à moi. Oh, le mufle! Vous avez raison, Benvenuto. Adieu, mon ami, je vous recommande mes statues. Vous commencerez par Jupiter, naturellement. Et quand vous en aurez achevé le modèle, vous me le montrerez. C'est bientôt dit, sire, mais comment entrerai-je au Louvre? Votre nom sera donné aux portes avec l'ordre de vous conduire jusqu'à moi. Au revoir à tous! Allons, Ascanio. Va vite voir si ce fameux hôtel de Nesle, qui t'a paru si convenable à l'extérieur, est digne à l'intérieur de sa réputation. Pourrais-je voir Monsieur d'Estourville, mon ami? Monsieur le prévôt n'est pas ici, messire. Il est au Châtelet. Qui le remplace? Et il y a sa fille, Mademoiselle Colombe, et Dame Perrine, la gouvernante. Hein? Monsieur veut-il parler à Dame Perrine ou à Mademoiselle Colombe? À Dame Perrine. Suivez-moi, monsieur. Entrez! Dame Perrine, c'est un jeune homme qui demande à visiter l'hôtel, au nom du roi. Visiter l'hôtel? Et pourquoi donc? Pour voir s'il est à notre convenance et si cela vaut la peine que nous dérangions pour venir l'habiter. Vous l'avez donc loué à monsieur le prévôt? Non, mais le roi nous le donne. À vous? Pas tout à fait, mais à mon maître. Et quel est votre maître, jeune homme? Quelque grand seigneur étranger, sans doute. Mieux que cela, dame Perrine. Un grand artiste, venu tout exprès de Florence pour servir sa majesté très chrétienne. Ah ah, et que fait-il, votre maître? Tout! Des bagues pour mettre au doigt des jeunes filles, des aiguières pour placer sur la table des rois, des statues pour mettre dans les temples des dieux. Et dans ces moments perdus, il assiège ou défend les villes selon que c'est son caprice de faire trembler un empereur ou de faire trembler un pape. Jésus-Dieu! Comment s'appelle-t-il? Benvenuto Cellini. Je ne connais pas ce nom-là. Qu'est-il de son état? Orfèvre. Et vous croyez que messire le prévôt cédera comme ça son palais à un orfèvre? S'il ne le cède pas, nous le lui prendrons. De force? Parfaitement. Mon maître a tenu tête à trois ducs et à deux papes. À deux papes? C'est un hérétique. Il est catholique comme vous et moi. Et Satan n'est pas le moins du monde notre allié. Mais à défaut de Satan, nous avons pour nous le roi. Ah oui, mais monsieur le prévôt a mieux que cela encore, lui. Il a madame la duchesse des temps. Alors, partie égale? Tout ça finira mal. Rassurez-vous, dame Perrine, vous aurez affaire à des vainqueurs cléments. Ce que j'en dis, c'est que j'ai peur qu'il y ait du sang répandu, car votre voisinage ne peut que nous être très agréable. La société manque dans ce maudit désert où messire d'Estourville nous a consigné, sa fille et moi, comme deux pauvres religieuses. Quoique ni elle ni moi n'ayons prononcé de vœux, Dieu merci. Oh, il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit l'Écriture. Et quand l'Écriture dit l'homme, elle sous-entend la femme. N'est-ce pas votre avis? jeune homme. Cela va sans dire. Nous sommes bien seuls et bien tristes dans cette immense demeure. Vous ne recevez aucune visite? Nous n'avons que messire le prévôt qui vient de temps en temps pour m'origéner sa fille de ce qu'elle devient trop belle, la pauvre enfant. Elle ne voit âme qui vive. Aussi, je vous en prie, jeune homme, ne dites à personne que vous avez été reçu ici et que vous avez vu Mademoiselle Colombe. Mais je ne l'ai pas vue. En l'absence de son père, Mademoiselle Colombe est la maîtresse de la maison. Il ne serait pas poli de quitter l'hôtel de Nesle sans lui dire un mot. Mais je crois... Après tout, si cela vous ennuie, vous êtes libre. Au revoir, jeune homme. Non, pas. Je sais me conduire courtoisement. Je suis à vos ordres. À la bonne heure. Mais pas un mot à Colombe sur le sujet de votre visite. De quoi vais-je lui parler, alors? Vous voilà bien embarrassé, hein? Ne m'avez-vous pas dit que vous étiez orfèvre? Si. Parlez-lui bijoux. C'est une conversation qui réjouit toujours le cœur des femmes. D'ailleurs, elle a si peu de plaisir, la pauvre enfant, que c'est une bénédiction de la distraire un peu. Il est vrai que la distraction qui conviendrait à son âge serait un bon mariage. Aussi, maître Robert ne vient pas une seule fois que je ne lui glisse à l'oreille. « Mais mariez-la donc, cette pauvre petite! Mariez-la donc !» J'allais reconduire ce jeune homme lorsqu'il m'a fait observer qu'il n'avait pas pris congé de vous, Colombe. Je vous l'amène. Il est gentil, ne trouvez-vous pas? Perrine. Eh ben quoi? Il ne faut pas rougir comme ça. Monsieur Ascanio est un honnête jeune homme, comme vous êtes une sage demoiselle. Et c'est un bon artiste en bijoux et pierres précieuses. Il viendra vous en montrer, si cela vous plaît. Je n'ai besoin de rien. À cette heure, c'est possible. Mais il faut espérer que vous ne mourrez pas en recluse dans cette maudite maison. Vous avez 18 ans, Colombe. Et le jour viendra où vous serez une belle fiancée à laquelle on donnera toutes sortes de bijoux. Puis une grande dame à laquelle il faudra toutes sortes de parures. Eh bien, mieux vaut donner la préférence à ce joli garçon qu'à un autre artiste. Je t'assure, Perrine. Mademoiselle. Ne me refusez pas la grâce de vous apporter quelqu'un de mes ouvrages. Il me semble maintenant que c'est pour vous que je les ai faits. Et qu'en les faisant, je songeais à vous. Monsieur... Oui, croyez-le bien. Nous autres artistes, nous mêlons nos rêves à nos travaux. Dans ces diadèmes qui couronnent vos cheveux, dans ces bracelets qui étreignent vos bras, dans ces colliers qui caressent vos épaules, nous mettons parfois beaucoup d'adoration. Monsieur... Je sais bien que nous n'ajoutons rien à votre beauté, mais au moins nous entourons votre grâce de tout ce qui est beau et suave comme elle. Oh, monsieur... Toutes ces choses me seront probablement toujours étrangères, ou du moins inutiles. Je vis dans l'isolement et l'obscurité. Et loin que cet isolement et cette obscurité me pèsent, j'avoue que je les aime. Cependant, je voudrais bien voir vos parures pour les admirer. Ah, la bonne heure ! La voilà qui se réconcilie un peu avec la coquetterie. Ah, il faut dire que vous parlez comme un livre, jeune homme. Dans votre pays, sans doute, on a des secrets pour charmer les gens. Alors, je vous raccompagne. Nous nous verrons, n'est-ce pas? Et surtout, ne croyez pas Colombe. Elle est assez riche pour se passer des fantaisies 20 fois plus coûteuses que celles que vous lui offrez. Apportez aussi quelques objets plus simples. Elle pensera peut-être à me faire un petit présent. Perrine, mon père arrive. Sauvez-vous vite. Passez par là. Oui. Vous sortirez par la petite porte. À bientôt. Oui. Pourvu qu'il ne se rencontre pas. Ne vous en faites pas. Il est déjà loin. Il y a 2 chevaux dans la cour. Votre père n'est pas seul. Non, il est entré avec un vieux seigneur que je ne connais pas. Qu'est-ce que ça signifie, Perrine? C'est la première fois depuis 2 ou 3 ans, peut-être, que mon père amène quelqu'un ici. Ne me quitte pas, Perrine, j'ai peur. Mon ange, calmez-vous, voyons. Cher ami, je te présente ma fille. Colombe, voilà le comte d'Orbec, trésorier du roi. Et votre futur époux. Mon Dieu. Je te demande pardon, cher ami de l'embarras de Colombe. C'est une petite sauvage qui n'est pas sortie d'ici depuis 2 ans. L'air du temps n'étant pas très bon pour les jolies filles. Je ne l'ai pas prévenue de nos projets. Les choses que j'ai décidées n'ont besoin pour être mises à exécution de l'approbation de personne. Enfin, elle ne sait pas qui tu es et que ton nom, tes richesses et la faveur de Madame d'Étampes te permettront d'arriver à tout. En y réfléchissant, elle appréciera l'honneur que tu nous fais. Assez, mon cher, assez de grâce. Allons, allons, allons, remettez-vous, mon enfant, et rappelez sur vos joues ces jolies couleurs qui vous vont si bien. Je sais ce que c'est qu'une jeune fille. J'ai été mariée 2 fois, ma petite. Il ne faut pas vous troubler comme ça. Je ne vous fais pas peur, j'espère. Votre père a eu tort de me donner si brusquement ce titre de mari qui émeut toujours un jeune cœur lorsqu'il l'entend pour la première fois. Mais vous vous y ferez. Vous finirez par le prononcer avec la jolie bouche que voilà. Eh bien, vous pâlissez encore. Mais elle va s'évanouir. Pardon, monsieur. Pardon, mon père. Je croyais... J'espérais... Mais qu'avez-vous cru? Qu'avez-vous espéré? Mais répondez, Colombe. Que vous me permettriez de rester toujours auprès de vous. Depuis la mort de ma pauvre mère, vous n'avez plus que mon affection, que mes soins. Et j'avais pensé... Taisez-vous, je ne suis pas encore assez vieux pour avoir besoin d'une garde. Et vous, vous êtes d'âge à vous établir. Eh mon Dieu, acceptez-moi sans tant de façon, mamie. Avec moi, vous serez aussi heureuse qu'on peut l'être, et plus d'une vous enviera, je vous jure. Je suis riche, et je prétends que vous me fassiez honneur. Je demanderai à mon père, monseigneur, le temps de réfléchir à votre proposition. Qu'est-ce que cela? Pas une heure, pas une minute. Vous êtes de ce moment la fiancée du comte, entendez-vous bien? Vous savez que mes volontés sont des ordres. Réfléchir? Sorpêcheux, laissons cette wizard, Norbeck. À la compte de ce moment, elle est à toi, mon ami, tu la réclameras quand tu voudras. Sur ce... Allons visiter votre future demeure. Vraiment, elle est fort bien, la petite. C'est une femme comme il m'en faut une, mon cher d'Estourville. Sage, ignorante et bien élevée. Le premier orage passé, le temps se remettra au beau fixe, crois-moi. Ben, je le sais bien. Je m'y connais. Et toutes les petites filles rêvent d'un mari jeune, beau, spirituel et riche. Eh bien, j'ai au moins la moitié des qualités qu'on exige. Peu d'âmes peuvent en dire autant. C'est donc déjà beaucoup. Ce vieux Nel est vraiment un magnifique séjour et je t'en fais mon compliment. Nous serons là à merveille, ma femme, moi et toute ma trésorerie. Seulement, tout cela est un peu dégradé. Avec quelques dépenses que nous trouverons moyen de faire payer à sa majesté, nous en tirerons un excellent parti. À propos d'Estourville, tu es bien sûr de conserver cette propriété? Tu devrais faire régulariser ton titre. Autant que je me le rappelle, le roi ne te l'a pas donné. Il me l'a pas donné, c'est vrai, mais il me l'a laissé prendre, c'est tout comme... Oui, mais si quelqu'un d'autre te jouait le tour de lui faire cette demande en règle... Il ferait beau voir. Sûr de Madame d'Étampes, je suis tranquille. L'hôtel de Nel m'appartient aussi vrai que ma fille est à toi. Le vicomte de Marmagne, messire. Ah, je te laisse, je ne tiens pas du tout à voir cette phase de carême. À bientôt, hein. À bientôt, oui. Me déloger, moi? La plaisante farce. Mon cher prévôt, vous avez l'air bien joyeux. Et vous, mon cher Marmagne, vous avez l'air bien triste. Vous le savez, mon pauvre d'Estourville, les malheurs de mes amis m'affligent tout autant que les miens. Oui, je connais votre cœur. Et quand je vous ai vu si joyeux avec votre futur gendre, le comte d'Orbeck, car le mariage de votre fille avec lui n'est plus un secret... Et je vous en félicite, mon cher d'Estourville. Je vous ai dit depuis longtemps que la main de ma fille était promise, mon cher. Oui, bien sûr. Je ne sais vraiment comment vous consentez à vous séparer d'une si charmante enfant. Je ne m'en sépare pas. Mon gendre viendra habiter le Grand Nel, et moi j'habiterai le petit comme maintenant. Pauvre ami. Quoi, pauvre ami? Qu'avez-vous donc à m'annoncer? Suis-je donc le premier à vous apporter cette fâcheuse nouvelle? Quelle nouvelle? Vous le savez, mon cher, il faut être philosophe en ce monde. Et il y a un vieux proverbe que notre pauvre race humaine devrait avoir sans cesse à l'esprit, car il renferme à lui seul toute la sagesse des nations. Lequel, je vous prie? L'homme propose, mon cher ami. L'homme propose et Dieu dispose. Et quelle chose ai-je proposé dont Dieu disposera? Vous avez destiné l'hôtel du vieux Nel à votre gendre et à votre fille. Ils y seront installés avant 3 mois. Détrompez-vous, mon cher prévôt, détrompez-vous. L'hôtel de Nel n'est plus votre propriété. Quoi? Vous êtes fou. Excusez-moi de vous causer ce chagrin, mais il vaut mieux que vous appreniez la nouvelle de la bouche d'un ami. Hélas, non, mon cher, le Grand Nel n'est plus à vous. Mais qui me l'a repris? Le roi. Le roi? Lui-même. Vous voyez donc bien que le malheur est irréparable. Et quand cela? Ce matin. Oh, vous aura trompé, Marmagne. C'est quelquefois au bruit que mes ennemis se plaisent à répandre. Je voudrais bien qu'il en fût ainsi, mais j'étais là quand le roi a donné le vieux Nel à un autre. Et quel est cet autre? Un certain Benvenuto Cellini, dont le roi s'est coiffé, je ne sais pourquoi, et qu'il est allé visiter aujourd'hui, avec toute sa cour, dans l'hôtel du cardinal de Ferrare, où cet individu a établi sa boutique. Vous étiez là, dites-vous, quand le roi a fait donation du Grand Nel à ce misérable? J'y étais. Eh bien, je l'attends, votre aventurier. Qu'il vienne! Vous résisteriez à un ordre du roi? À un ordre de Dieu, à un ordre du diable, à tous les ordres qui auront la prétention de me faire sortir d'ici. Ah, prenez garde, mon cher. Outre la colère du roi à laquelle vous vous exposez, ce Benvenuto Cellini est par lui-même plus à craindre que vous ne pensez. D'abord, il a toute la faveur de sa majesté. Pour le moment, il est vrai, mais il l'a. Ouais, c'est bien possible. Mais moi, je suis le prévôt de Paris. On dit que ce damné Italien tue sans scrupule tous ceux qui lui font obstacle. Ignorez-vous qu'une garde de 24 sergents d'armes est jour et nuit à mes ordres? Il paraît qu'il n'a pas craint de frapper un de ses ennemis au milieu d'un bataillon de 60 hommes. Vous oubliez que l'hôtel de Nel est fortifié. Il s'entend au siège aussi bien que Bayard. Non, croyez-moi, n'essayez pas de lutter avec plus fort que vous. Plus fort que moi? Un méchant ouvrier d'Italie? Cet ouvrier d'Italie a le roi pour lui. Et moi, j'ai Madame d'Étampes. Ah, vous n'avez pas autre chose à me dire? Non. Non, je ne crois pas. Adieu, mon pauvre ami. Adieu. Je vous aurais averti, du moins. Ventre marron, vicomte, vous voulez me rendre fou? Je veux vous rendre sage. Dites à monsieur le prévôt que Benvenuto Cellini veut lui parler. Et vite! Qu'est-ce que c'est, portier? Monseigneur, des hommes veulent entrer de force dans l'hôtel. Ils sont à la grande porte. Je vous l'avais bien dit. Ah, taisez-vous, je vous en prie. Vous allez voir comment je les reçois, vos Italiens. Demande-leur ce qu'ils veulent. Que voulez-vous? Prendre possession de l'hôtel dont la propriété est concédée à moi, Benvenuto Cellini. Nous ne savons pas ce que vous voulez dire. Ouvre ton guichet. Remets ce parchemin à messire le prévôt. C'est la copie certifiée de l'acte de donation. C'est bon. Attendez. Donne. Voilà ce que j'en fais de son parchemin. Allez, rends-lui ça. Bien. Voici la réponse. C'est bon. Dis à ton maître d'ouvrir grandes ses oreilles. À toi, Robert d'Estourville, prévôt de Paris. Moi, Benvenuto Cellini, orfèvre, fais savoir que Sa Majesté le roi François Ier m'a donné en toute propriété le Grand Nel. Or, comme tu le détiens insolemment et que contre le désir royal, tu refuses de me le livrer, je te déclare que mes ouvriers et moi, nous venons le prendre par la force. Ainsi, défends-toi. Et si mal arrive de ton refus, apprends que c'est toi qui en répondras sur la terre et dans le ciel, devant les hommes et devant Dieu. Mes enfants, vous le voyez, il n'y a plus moyen d'éviter la lutte. Maintenant, de quelle manière faut-il l'engager? Bah, j'enfoncerai la porte et vous me suivrez, voilà tout. Et avec quoi, bon garçon? Avec cette poutre. Oui, allez, aidez-moi, vous en. Peste! Comme ils y vont, à ce train-là, nous sont vite dans la place. Ah, la porte est solide. Jacques! Hé, hey, Jacques! Oui? Je vous ai parlé de Jacques Aubry, maître. C'est un bon camarade, il est venu nous aider. Je suis content de le connaître. Bonjour, bon garçon. Bonjour, monsieur. Je m'amuse comme un fou, moi. Tant mieux. Seulement, je ne serais pas fâché d'avoir un bout d'épée pour me battre si l'occasion s'en présente. Voilà mon poignard, jeune homme. Frappez avec, mais ne l'oubliez pas dans la blessure. Il est ciselé par moi, et la poignée vaut 100 écus d'or comme un liard. Et la lame? La lame n'a pas de prix. C'est avec elle que j'ai tué l'assassin de mon frère. Oh, alors. Merci, monsieur. Dis, Ascanio, j'ai vu Colombe tout à l'heure. Où ça? Ici. Elle allait à Vêpres avec Perrine. Vous êtes sûr? Oui. Elles sont à Vêpres? Qu'est-ce qui carillonne en ce moment? La fin du service? Sûrement, oui. Ce doit être l'heure. Alors, mes enfants, plus besoin d'enfoncer la porte! J'ai le moyen de faire sortir le prévôt de chez lui. Les voilà! Où? Au bout de la place, avec un livre de messe à la main. Va à leur rencontre, Ascanio, vite! Oui! Monsieur le prévôt! Monsieur le prévôt, voici votre fille! J'espère que vous lui ouvrirez la porte, à moins que vous ne consentiez à me la donner en otage! Laissez-la rentrer! Je la laisserai rentrer à une condition. C'est que vous sortirez. Nous combattrons dehors et à découvert. J'accepte. Votre parole? Foi de gentilhomme. La vôtre? Foi de Benvenuto Cellini. Qu'y a-t-il, monsieur? Pourquoi voulez-vous vous battre avec mon père? Ne vous inquiétez pas, rentrez vite. Monsieur Ascanio, je vous en supplie, sauvez mon père, empêchez qu'il ne le tue. Soyez tranquille, je réponds de tout. Jurez-moi que vous le sauverez. Je vous le jure. Colombe! Dépêchez-vous, voyons! Mon père, au nom du ciel, ne vous exposez pas! Allons, rentrez! C'est vous qui me réduisez à cette extrémité! À moi, Cellini. Que tous décident entre nous deux. Je ne demande pas mieux, messire Robert. Et si vous voulez dire à vos gens de ne pas se déranger, je suis votre homme. Tenez-vous tranquille, vous autres. Que personne ne bouge. Il va le tuer. Ah, ça, il y a des chances. Ce brave prévôt devrait bien faire ses prières. Il faut empêcher ça. Mais laisse donc. Où vas-tu? Ascanio. Ascanio. Ah, Ascanio. Ascanio, mon enfant, réponds-moi. Ascanio, dis quelque chose. Blessé, blessé par moi. Oh, ce n'est rien, mon maître. Non, ce n'est rien. Le bras seul a été touché. Ne vous désolez pas ainsi. Quelqu'un n'ira-t-il donc pas me chercher un chirurgien? Je cours chez Anselme, messire. Vous pouvez bien dire que ce pauvre Ascanio vous a sauvé la vie, monsieur le prévôt. Je me demande bien pourquoi, d'ailleurs. Je ne puis nier qu'il ne soit arrivé à temps. Jeune homme, je mets à votre disposition un appartement dans mon hôtel. Dans votre hôtel? Monsieur Robert, mais vous voulez absolument que la bagarre recommence? Vous prétendez donc nous chasser, ma fille et moi? Pas le moins du monde. Vous occupez le petit Ned, eh bien, gardez-le et vivons en bon voisin. Je le veux bien, tant que cela ne m'oblige pas à vous porter secours et assistance contre ceux qui vous attaqueraient. Je consens à ne point vous nuire, mais je ne m'engage pas à vous être agréable. Quant à cela, vous savez parfaitement que je me défendrai seul, n'est-ce pas? S'il n'y a que cette objection, topez-la, mon cher. Je vous avais averti, mon cher prévôt. Ah, c'est vous, vicomte. Bonjour. Avais-je raison? Est-ce que le roi est de retour au Louvre? Chanson, disiez-vous. Un ouvrier, un homme de rien, il ferait beau voir. Vous avez vu, mon pauvre ami. Je vous demande si sa majesté est revenue de Fontainebleau. Oui, elle a regretté vivement de n'être pas arrivée à Paris plus tôt pour assister à la victoire de son orfèvre sur son prévôt. Oui, qu'est-ce qu'on dit à la cour? Que vous avez été ignominieusement battu et qu'il vous a tué deux hommes. Oh! Si vous voulez les remplacer, j'ai à votre service deux spadassins consommés. Ils se feront payer un peu cher, mais ce sont des hommes sûrs. Oui, nous verrons. Cependant, quoi qu'on en dit, je n'ai pu croire que ce Benvenuto vous eût personnellement bastonné. Qui a dit ça? Tout le monde. Les uns s'indignent, comme je fais, les autres rient, comme fait le roi. Assez, tout n'est pas fini. Aussi, vous aviez tort de vous commettre avec ce manant. Pour un logement. L'hôtel de Nel est un logement de prince. D'accord, mais pour un logement de prince, s'exposer à un châtiment de goujat. Oh! Une idée, Marmagne. Vous m'êtes si dévoué que je veux à mon tour vous rendre un service d'ami. Je suis ravi d'en avoir justement l'occasion. Comme noble et comme secrétaire du roi, vous êtes vraiment bien mal situé rue de la Huchette, mon cher. Oh. J'avais demandé dernièrement pour un ami à la duchesse d'Étampes un logement dans un des hôtels du roi. Il se trouve que mon protégé est retenu en Espagne. J'ai donc à ma disposition des lettres du roi qui donnent ce droit de logis. En voulez-vous? Cher d'Estourville, quel service vous me rendez là? Il est vrai que je suis bien mal logé 20 fois, je m'en suis plaint au roi. J'y mets une condition. Laquelle? Puisque le choix vous appartient entre les hôtels royaux, vous choisirez l'hôtel de Nel. Eh bien, parfait! Je vais retenir mes deux spadassins. Ma colombe chérie, j'ai pris sur moi d'offrir le repos de nos ombrages à ce pauvre Ascanio qui a été blessé en sauvant votre père. Il n'y a pas d'ombre au grand Nel et le chirurgien ordonne que ce jeune homme se promène un peu chaque jour. C'était l'autorisation de mon père qui était nécessaire, Perrine. Pardon, mademoiselle. J'espérais que vous aviez ratifié l'offre obligeante de Dame Perrine. Mais du moment qu'il n'en est pas ainsi, je vous supplie d'excuser ma hardiesse involontaire. Je me retire. Mais non! Restez, monsieur. Pour aujourd'hui, du moins. Ne serait-ce que pour accepter mes remerciements. C'est moi qui vous remercie du fond du cœur. Mais en restant, ne vais-je pas troubler votre promenade? Nullement, monsieur Ascanio. Vous vous rappelez mon nom? Qu'avez-vous? Comme vous êtes pâle. Je vais appeler quelqu'un. Oh, ce n'est rien. Souffrez-vous? Je souffre d'une pensée. Laquelle? Je me dis qu'il eût peut-être mieux valu pour moi mourir l'autre jour. Oh, ne dites pas cela. Vous êtes noble, vous êtes belle, riche. Et vous êtes la fiancée du comte d'Orbet. Taisez-vous, Ascanio. Écoutez, Colombe. Si vous souhaitez quelque chose, dites un mot, comme vous le diriez à un frère. Et je donnerai ma vie pour vous. Sur une parole de moi, vous vous êtes déjà exposé généreusement, je le sais. Mais Dieu seul peut me sauver cette fois. Eh bien, Colombe, m'en voulez-vous toujours? Perry... Il faut guérir ce jeune homme d'une blessure qu'il a reçue pour nous. D'ailleurs, vous l'aviez autorisé à venir vous montrer des bijoux. Il les a oubliés aujourd'hui. Il faut bien qu'il les apporte demain. Allons, monsieur Ascanio, vous êtes faible encore. Il est temps de rentrer. Donnez-moi le bras. Que faites-vous donc là, sire? Des verres pour vous, mamie. Étant seul et auprès d'une fenêtre, par un matin comme le jour poigné, je regardais Aurore à main senestre qui à Phébus le chemin enseignait. Et d'autre part, mamie qui peignait son chef doré et vit ses luisants yeux dont un jeta un trait si gracieux qu'à haute voix je fus contraint de dire « Dieu immortel, rentrez dedans vos cieux car la beauté de Ceste vous empire. » C'est ravissant. Regardez l'aurore tant qu'il vous plaira. Désormais, je ne suis plus jalouse d'elle, puisqu'elle me vaut de si beaux vers. Redites-les-moi donc, je vous prie. Étant seul et auprès d'une fenêtre, par un matin comme le jour poignait, je regardais Aurore à main senestre qui a fait... Vous ne m'écoutez pas, Anne. À quoi pensez-vous? Je pensais, sire, qu'un poète a encore moins d'excuses qu'un roi pour laisser insolemment outrager sa dame, car elle est en même temps sa maîtresse et sa muse. Encore? Votre rancune est bien implacable, ma chère, que vos griefs vous font oublier mes vers. Monseigneur, je hais comme j'aime. Pourtant, si je vous priais de ne plus en vouloir à Benvenuto, qui n'a pas eu, je vous en réponds, l'intention de vous blesser. C'est un grand fou qui ne sait ce qu'il dit, qui parle comme il se bat à l'étourdi. Vous savez combien j'aime les artistes, Anne. Soyez indulgente à celui-là, je vous en conjure. Eh, mon Dieu, giboulée d'avril, caprice de femme et boutade d'artiste ont plus de charme que d'ennui. Voyons, pardonnez-vous à qui me plaît, vous que j'aime. Je suis votre servante et je vous obéirai, sire. Merci. Hélas, il faut vous quitter, ma bien-aimée. Il y a encore conseil aujourd'hui, quel ennui. Vous êtes bien heureuse, vous, de n'avoir qu'à rester belle et que le ciel est tout fait pour cela. Adieu, ne vous levez pas. Mon page m'attend dans l'antichambre. Au revoir et pensez à moi. Isabeau. Madame. Isabeau, messire d'Estourville est arrivé? Il y a déjà un bon moment, madame, avec le vicomte de Marmagne. Fais-les entrer, vite. Bonjour, messieurs. Madame la duchesse. J'ai appris l'odieuse façon dont ce rustre italien vous a traité, mon cher prévôt. J'en suis encore indignée. Cet insolent ne vous a pas épargné non plus, madame. Je ne pense qu'à vous. Mais quant à mon injure personnelle, le roi, qui est vraiment trop indulgent, m'a prié de l'oublier. Je l'oublie. Mais s'il en est ainsi, madame, la prière que nous avions à vous faire sera sans doute mal accueillie et nous vous demandons la permission de nous retirer. Comment, monsieur? Ne suis-je pas votre ami en tout temps et quoi qu'il arrive? Voilà ce dont il s'agit. J'ai cru pouvoir disposer, en faveur du vicomte de Marmagne, de ce droit de logis dans un des hôtels royaux que je tenais de votre munificence. Et naturellement, nous avons jeté les yeux sur l'hôtel de Nel, tombé en de si mauvaises mains. Ah, je vous écoute. Le vicomte avait accepté d'abord avec le plus vif empressement. Mais maintenant, après réflexion, il hésite. Il songe avec effroi à ce terrible Benvenuto. Pardon, mon ami, pardon, vous expliquez fort mal la chose. Je ne crains pas Benvenuto, je crains la colère du roi. Je n'ai pas peur d'être tué par ce rustre italien, pour parler comme madame. Non, fi donc. Ce dont j'ai peur, c'est de le tuer. et que mal ne m'advienne d'avoir privé notre sire d'un serviteur auquel il paraît tenir beaucoup. Le roi protège bien les vivants, mais il se soucierait médiocrement de venger un mort. Il ne se souviendrait plus que de son affection pour moi. Cet homme m'a publiquement insulté, Marmagne, l'oubliez-vous? Non, madame, mais il importe que vous sachiez exactement ce que vous aurez à défendre. C'est parfaitement clair. Mes gens pourraient rencontrer Cellini par hasard, quelque soir, dans une ruelle écartée. Et ils n'ont pas seulement des épées, madame. Ils ont des poignards. J'avais compris. Eh bien, madame. Eh bien, vicomte, je vois que vous êtes homme de précaution et qu'il ne fait pas bon être de vos ennemis. Mais sur la chose en elle-même, madame... La chose est grave, en effet. Il vaudrait peut-être la peine qu'on y réfléchisse. Mais cet individu m'a blessé dans mon orgueil. Je le hais, autant que mon mari ou Diane de Poitiers. Et je vous promets... Qu'y a-t-il, Isabeau? J'ai interdit que l'on me dérange. Je vous demande pardon, madame, mais c'est un artiste florentin, Benvenuto Cellini, qui est là, avec le plus joli vase doré qu'on puisse imaginer. Il a dit très poliment qu'il venait l'offrir à sa seigneurie et qu'il demandait la faveur de vous entretenir une minute. Ah, oui, très bien. Il paraît que notre ennemi s'amende et qu'il commence à reconnaître ce que nous valons et ce que nous pouvons. C'est égal, il n'en sera pas quitte à si bon marché. Isabeau, dis-lui que tu m'as averti et que j'ordonne qu'il attende. Bien, madame. Je vous disais donc, vicomte, que la chose était grave et que je ne pouvais guère vous promettre de prêter les mains à un meurtre et un guet-apens. L'injure a été si éclatante. La réparation ne le sera pas moins, messire. Ce redoutable orgueil qui résiste à des souverains attends dans mon antichambre mon bon plaisir de femme. Et une heure de ce purgatoire expira bien un mot d'impertinence. Il ne faut pas non plus être sans pitié, prévôt. Pardonnez-lui comme je lui pardonnerai dans une heure. Madame. Aurais-je sur vous moins de pouvoir que le roi n'en a sur moi? Veuillez donc nous permettre, madame, de prendre congé de vous, car je ne voudrais pas vous faire une promesse que je ne tiendrai pas. Vous resterez ici. J'entends que vous assistiez à l'humiliation de votre ennemi. Et que nous soyons ainsi vengés du même coup. Asseyez-vous, messieurs. On dit que vous mariez votre fille au comte d'Orbec, messieurs d'Estourville. En effet, madame la duchesse. Beau parti. Savez-vous que pour ce mariage, il faut mon consentement? Et vous ne l'avez pas encore demandé. Madame... Je vous le donnerai. D'Orbec m'est aussi dévoué que vous. J'espère que nous allons enfin la voir, cette belle enfant, et que son mari ne sera pas assez mal avisé pour ne pas la conduire à la cour. Comment l'appelez-vous, messire? Colombe, madame. Joli nom. On dit que les noms ont une influence sur la destinée. S'il en est ainsi, la pauvre enfant doit avoir le cœur tendre. Elle souffrira. Vous me la présenterez, n'est-ce pas, messire? Quand vous le désirerez, madame. Elle le fait donc exprès, aveugle. Je n'ai pas l'intention de me laisser insulter même par une femme. Bien, Ascanio. Serait-ce le Benvenuto qui s'ennuie? Je voudrais bien voir ça. J'ai appris pour M. Valère, c'est trompé. Je vais prendre l'obéissance en défense de l'amour. Bien, Ascanio. Ascanio, réponds-moi. Ascanio! Ce jeune homme se meurt. Ne l'emmenez pas, monsieur Boulturier. Jérôme, cours chercher maître André. Bien. Je ne veux pas qu'il sorte d'ici en cet état, entendez-vous? Allez-vous-en. Vous en répondez, madame? Sur ma vie. Soit. Isabeau, ouvre la fenêtre. Vite! Oh, aide-moi à dégrafer son pourpoint. Oh, comme il a la peau douce. Ce serait pitié. Maître André, sauvez-le, il se meurt. Mais non, madame, ce n'est rien, un affaiblissement passager. Soulevez-lui la tête, madame, qu'il boive un peu. Voilà, très bien. Il se ranime. Il lui faut du calme maintenant, madame. Vous, transportez-le dans une chambre, sur un lit de repos. Bien, madame. Docteur, si une parole vous échappe sur ce que vous venez de voir ou d'entendre, il vous en cuira. Je disais donc, vicomte, que la chose dont vous me parliez était grave, n'importe. J'ai assez de pouvoir pour me permettre de frapper un traître, comme j'en aurais assez au besoin pour frapper les indiscrets. Ne laissez pas échapper la vengeance, messieurs, et faites en sorte que je n'ai pas besoin d'avoir recours à d'autres que vous. Je vous garantis l'impunité, mais je vous engage, vous et vos sbires, à renoncer à l'épée et à vous en tenir au poignard. C'est bon, ne parlez pas, agissez. Et vite, c'est la meilleure réponse. Adieu, messieurs. Ah. N'être qu'une femme et avoir besoin de pareils lâches. Alors, maître André, comment va ce jeune homme? Ce n'était rien, madame. Il a reçu une blessure à l'épaule et la fatigue ou une émotion a causé cet évanouissement. Il est tout à fait remis maintenant. Je vous remercie. Madame. Où suis-je? Vous êtes chez moi, Ascanio. Chez vous, madame. Ah oui. Ah oui, je vous reconnais. Vous êtes madame d'Étampes. Où est mon maître? Où est Benvenuto? Ne bougez pas, Ascanio. Votre maître est en sûreté. Soyez tranquille. Oh, pourquoi m'a-t-il laissé ici? Vous avez perdu connaissance. Il vous a confié à mes soins. Vous m'assurez, madame, qu'il est sorti d'ici sans danger? Je vous l'affirme. Ai-je l'habitude de faire assassiner les gens? Ils ne courent aucun danger, entendez-vous? Ingrat, que je veille, que je soigne, moi, duchesse d'Étampes, avec la sollicitude d'une sœur, et qu'il ne parle que de son maître. Je vais vous en vouloir, Ascanio. Vous allez diminuer la rancune que je lui porte pour ses mauvais procédés à mon égard. Il ne faut pas faire attention à sa rudesse, madame. Il a cru que vous le faisiez attendre à plaisir et cette insulte-là... Je ne vous savais pas avec lui. Oh, s'il vous connaissait, il vous demanderait pardon à genoux. Il est si noble et si généreux. Taisez-vous donc. Prétendez-vous que je l'aime maintenant? Je veux lui en vouloir, vous dis-je. Et pour commencer, je vais lui susciter un rival. Ce sera difficile, madame. Non, Ascanio. Car ce rival, ce sera vous. Moi? Vous, dont Cellini vante le talent. Vous qui ne me haïssez pas comme votre maître. Madame, je suis à vos ordres. Vous êtes si bienveillante que je vous suis dévouée de corps et d'âme. Tout à l'heure, en vous voyant étendue dans cette chambre, pâle et la tête abandonnée, je m'imaginais voir un beau lys dont le vent incline la tige. Faites-moi un lys de perles et d'argent que je porterai à mon corsage. Oh, madame, oh, tant de bonté. Ascanio, voulez-vous reconnaître cette bonté, comme vous dites? Promettez-moi de me prendre pour confidente, pour amie, de ne rien me cacher de vos actions, de vos projets, de vos chagrins. Oh, madame... Si, si, je vois bien que vous êtes triste. Me le promettez-vous? Il n'est au pouvoir de personne de m'aider. Qui sait? Oh, je le sais, moi, madame. Confiez-vous à moi, je suis votre amie, Ascanio. Mon maître doit être inquiet, madame, et j'ai peur de vous être importun. Permettez-moi de me retirer. Soit. Je vous rends la liberté, mais quand vous serez rétabli, pensez à cette idée que j'ai eue. Dès que vous aurez achevé votre dessin, venez me le montrer. Oui, madame la duchesse. Que désirez-vous en échange? À votre âge, on désire toujours quelque chose. Je sais, madame, que vous avez toute la puissance que vous méritez. Mais nulle puissance humaine ne saurait m'aider en l'occasion où je me trouve. Enfin, dites toujours. Je le veux. Je vous en supplie. Puisque vous me parlez avec tant de douceur, madame. Voilà. Hier, je vous aurais dit... J'aime Colombe et je suis heureux. Aujourd'hui, je vous dirai, Colombe va se marier et je n'ai plus qu'à mourir. Adieu, madame. Madame la Duchesse, vous m'avez demandé un lys l'autre jour. Vous m'avez ordonné de vous en apporter le dessin. Je l'ai achevé ce matin et le voilà. Asseyez-vous, Ascanio. Eh bien, mon gentil malade, votre blessure? Je suis maintenant tout à fait guéri, madame. Guéri à l'épaule, mais le cœur... Je vous supplie, madame, d'oublier ces folies. Oh, mon Dieu, Ascanio, vous êtes bien froid et bien sombre. L'autre jour, vous avez été si charmant. D'où vient ce changement? Soyez franc. Vous avez parlé de moi avec votre maître, n'est-ce pas? Oui, madame. Ah. Et il vous a dit qu'il était dangereux de se fier à moi, n'est-ce pas? Que l'amitié que je vous avais montrée cachait quelques pièges. Il vous a dit que je vous détestais, peut-être. Répondez. Il m'a dit que vous m'aimiez, madame. Oh! Oh! Eh bien, oui, je t'aime. Et toi, Ascanio, il faut que tu m'aimes. Je veux illuminer ta vie comme tu as fait de la mienne. Pour toi, je changerai empire et royaume. Tu ne me connais pas, Ascanio. Tu ne sais pas quelle femme je suis. Quels sont tes souhaits, Ascanio, que je les accomplisse? Oh, madame, je veux être aussi franc et loyal que vous. Je ne désire rien que l'amour de Colombe. Mais cet amour est impossible. Tu me l'as dit toi-même. Je désespérais l'autre jour, c'est vrai, mais aujourd'hui... Colombe ne t'aime pas, tu le sais. Mais je ne le sais pas, madame. Puisqu'elle en épouse un autre. Mais son père la force, peut-être. Son père la force. Si tu m'aimais comme tu l'aimes, crois-tu qu'il existerait au monde une force qui nous séparerait l'un de l'autre? Je te dis qu'elle ne t'aime pas. Et que tu ne l'aimes pas non plus, toi. Moi? Non, tu ne l'aimes pas. Tu prends pour de l'amour le besoin d'aimer. Si tu m'avais vue la première, c'est moi que tu aimais au lieu d'elle. Ascanio, elle te fera une existence aride, monotone. Moi, je t'élèverai sans cesse. Mais le roi, vous ne l'aimez donc pas, madame? Non. Il vous aime encore, lui. Écoute, nous allons quitter Paris. Réfugions-nous en Italie. Tout à l'heure, j'étais là sur ce fauteuil et les plus puissants de la cour étaient à mes pieds. Maintenant, c'est moi qui supplie. Oh, si tu voulais seulement me dire que tu m'aimeras un jour, plus tard, bien plus tard. Oh, relevez-vous, madame. Prends garde, Ascanio. Si tu me fais trop souffrir, peut-être arriverai-je à te haïr autant que je t'aime. Oh, mon Dieu, madame, mais c'est vous qui confondez ma raison. Je vous dis les paroles dures, pardonnez-moi. Je vous vois là, à mes pieds, si belle. Ne mettez pas ma faiblesse à une pareille épreuve. Vous vous repentirez un jour de cet amour, vous me reprocherez ce que vous aurez fait. Tu ne me connais pas si tu me crois assez faible pour me repentir. Veux-tu une garantie? Tiens, lis. Ascanio, je t'aime, suis-moi où je vais, ou laisse-moi te suivre où tu iras. Andaili, duchesse des Tempes. Garde ce papier et relis-le quand tu douteras de moi. Mais cela ne se peut, madame. Mon amour serait une honte pour vous. Une honte? Est-ce que je connais la honte, moi? J'ai trop d'orgueil pour ça. Oh, madame, je vous en supplie. Vous êtes un enfant, Ascanio. J'aurais voulu vous épargner bien des souffrances. Mais je vois que la douleur seule peut vous apprendre la vie. Vous me reviendrez. Vous serez alors ce que vaut votre Colombe. Je vous pardonnerai d'ailleurs, parce que je vous aime. Mais d'ici là, il se passera de terribles choses. Adieu. Qui est là encore? Ne peut-on me laisser travailler en paix? Entrez! Pardon, maître, si je vous dérange. Toi, tu ne me déranges jamais, mon enfant. Qui a-t-il, mon Ascanio? J'ai un secret à vous confier et un service à vous demander. Tant mieux! Moi aussi, d'ailleurs, j'ai quelque chose à te dire. Parle le premier. Eh bien, maître, je voulais... Qu'est-ce donc cette ébauche? C'est Hébé, la déesse de la jeunesse. Tu la trouves belle? Oh, miraculeuse! Mais ces traits, je les connais, ce n'est pas une illusion. Indiscret. Mais oui, ces traits, tu les connais. L'idéal féminin que je poursuis depuis tant d'années, je l'ai trouvé. Il est près de moi, il respire. Je puis chaque jour l'admirer. Tout ce que j'ai fait jusqu'ici ne sera rien auprès de ce que je ferai. Veux-tu la voir? Écarte le rideau de la fenêtre. Elle est belle, n'est-ce pas? Phidias et Michel-Ange n'ont rien créé de plus pur. Colombe. Oui, mon Ascanio. Colombe que j'aime. Colombe qui sera à moi. Elle est la fille du prévôt de Paris. Et contre ça, la fille du pape. Tu sais ce que peut ma volonté? J'ai atteint tout ce que j'ai voulu et je n'ai jamais rien voulu plus ardemment. Il faut que Colombe soit ma femme. Votre femme? Je m'adresserai au roi. Je lui peuplerai le Louvre et Chambord de statues. Je couvrirai ses tables d'aiguières et de candélabres. Oh, j'espère, Ascanio, j'espère. Dans 3 jours, quand il partira pour Saint-Germain, tu viendras avec moi. Nous lui porterons la salière en argent qui est achevée et les dessins pour une porte de Fontainebleau. Tous admireront, car c'est beau. Et il admirera plus que les autres. Eh bien, c'est surprise. Je les lui renouvellerai toutes les semaines. Je n'ai jamais senti en moi une force plus féconde et plus créatrice. François Ier me fera grand et je me ferai riche, et le prévôt de Paris sera honoré de mon alliance. Vraiment, je deviens fou, mon Ascanio. Elle est à moi, comprends-tu? Ascanio, elle est à moi! Mais vous ne pensez pas, maître, qu'elle ne vous aime peut-être pas, elle? Tais-toi, Ascanio. J'ai pensé. Je me suis pris à envier ta beauté, ta jeunesse. Mais elle m'aimera parce que je serai la preuve de sa beauté. Parce qu'elle se verra comprise, adorée, immortalisée. D'ailleurs, j'ai dit « je veux ». Et chaque fois que j'ai dit ces mots, j'ai réussi. Elle sera à moi, dussé-je bouleverser le royaume. Et si par hasard un rival voulait me barrer le chemin, tu me connais, Ascanio, je le tuerai de cette main qui sert la tienne. Oh, mon Ascanio, mon enfant chéri. Pardonne-moi, égoïste que je suis, j'oublie que toi aussi tu as ce à me confier, un service à me demander. Parle. Pour toi aussi, ce que je veux, je le puis. Vous vous trompez, maître. Il y a des choses qui sont au seul pouvoir de Dieu. Je sais maintenant que je ne dois compter que sur lui. Je laisserai mon secret entre ma faiblesse et sa puissance. Ascanio! Allons-nous devenir, Ascanio? Courage, mon amour. Ni votre père, ni la duchesse des Temples ne pourront nous contraindre. La lutte sera dure, mais nous trouverons des amis pour nous aider. Avez-vous parlé à votre maître? Nous ne pouvons plus compter sur lui. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Oui, oui, au lieu d'un ami, c'est le plus terrible de tous nos ennemis. Mon Dieu. Mon maître est aussi dangereux pour vous que votre père, Colombe. Lui, Benvenuto, me voilà presque forcé de le haïr. Ascanio! Quand il saura que je suis son rival, plus rien ne comptera. Il me sacrifiera à son amour. Pourquoi agirait-il autrement? Il est homme. Nous lutterons donc l'un contre l'autre. Ne perds pas espoir, Ascanio. Je t'aime. Et quelque chose me dit que nous serons heureux. Cependant, il ne serait pas loyal de laisser ignorer notre amour à ton maître. Il s'exposerait peut-être à de graves dangers en luttant contre la duchesse des Temples et le comte d'Orbec. Cela ne serait pas juste. Il faut l'avertir de tout, Ascanio. Tu as raison, Colombe. Mais le coup que je lui porterai sera terrible. Il est possible qu'il me chasse. Résisterai-je alors à d'aussi puissants ennemis que la duchesse des Temples et le prévôt du roi? Qui m'aidera à déjouer leur projet? Moi. Maître. Oui, c'est moi, Benvenuto Cellini, qui vient vous sauver tous les deux. Vous nous avez entendus? Je n'ai pas perdu un mot de votre conversation. Pardonnez-moi de l'avoir surprise par hasard, mais mieux vaut que je sache tout. Il est vrai que je vous aurais disputé à lui. Mais puisque vous l'aimez, tout est dit. Monsieur. Je vous perds, mais en même temps, je suis heureux de pouvoir vous servir. Vous me devrez tout. Cela me console un peu. Excepté le jour où je t'ai blessé, Ascanio, voilà 20 ans que je n'ai pas pleuré. Et ce coup a été affreux. Tenez, je souffrais tant tout à l'heure, caché derrière ces arbres, que j'ai eu la tentation de me poignarder. Ce qui m'a retenu, c'est que vous aviez besoin de moi. Ainsi, vous m'avez sauvé la vie, tout est dans l'ordre. Ascanio a 20 ans de bonheur à vous donner de plus que moi, Colombe. Et puis, il est mon enfant. Vous serez heureux ensemble. Cela me réjouira comme un père. Maître. Allez. Le mieux est de ne jamais reparler de tout ça, mes enfants. Maintenant, causons de ce que nous devons faire et des dangers qui vous menacent. Vous avez affaire à forte partie. Le comte est ambitieux, le prévôt avare et la duchesse à droite. Ils sont tous trois très puissants. Vous êtes en leur pouvoir. Colombe, êtes-vous prête à m'obéir? J'y tâcherai, monsieur. Benvenuto nous pardonne le mal que nous lui avons fait. Obéissons-lui, je vous en conjure. Ordonnez, maître, et je vous obéirai comme si vous étiez l'envoyé de Dieu. Voyons, Pirine! Vous dites que c'est hier au soir que vous l'avez vu pour la dernière fois. Hélas, oui, messire. Jésus-Dieu, quelle aventure! La pauvre chère enfant paraissait un peu triste. Elle m'a dit « Périne, la soirée est belle, je vais aller faire un tour dans mon allée. » Il pouvait être 7 heures du soir. Moi, je m'étais mise à coudre dans la salle, en bas. Je ne sais combien de temps je restais là à travailler. Il est possible qu'à la longue, mes pauvres yeux fatigués se soient fermés malgré moi et que j'ai un peu dormi. Oui, selon votre bonne habitude. Toujours est-il que vers 10 heures, je quittais mon fauteuil et j'allais voir au jardin si Colombe y était toujours. J'appelais et ne trouvais personne. Je crus alors qu'elle était rentrée chez elle et s'était couchée sans me déranger, comme cela lui était arrivé 1000 fois. Et ce matin? Ce matin, quand j'ai vu qu'elle ne descendait pas, oh, sainte Vierge, secourez-nous! Oh, diable, vous, dit Annie! Racontez donc simplement et sans toutes ces gérognades. Enfin, ce matin! Je suis venue frapper à sa porte pour la réveiller, et comme elle ne répondait pas, j'ai ouvert. Personne. Le lit n'était même pas défait, messire. Perrine, auriez-vous introduit quelqu'un ici pendant mon absence? Ici? Quelqu'un? Par exemple? Le portier a vu un jeune homme dans le jardin il y a quelques jours. Ah, attention, Perrine! Oh, oh. Ne me mentez pas! Oh, un jeune homme? Quel jeune homme? Ah, ah! Un petit ouvrier qui me rapportait une boucle de chaussures qui était cassée. Son nom? Son nom, mais je... Perrine! Ascanio, je crois. L'élève de Cellini, je m'en doutais. Parfait. Nous reparlons de tout ça, Perrine. Mais je vous assure que... Silence! Je sais ce qu'il me reste à faire. Qu'est-il arrivé, Catherine? Le prévôt et la duchesse des Tempes sont venus avec des hommes d'armes. Quoi? Ils ont fait une perquisition. Oh. Ils ont trouvé Colombe. On nous a trahis, Catherine. Le prévôt a fait conduire Ascanio au Châtelet. Et la duchesse a emmené Colombe chez elle. Eh bien, ma jeune amie, vous voilà donc rendue à l'autorité paternelle. C'est bien. Mais laissez-moi avant tout vous faire mes compliments. Vous êtes hardie pour votre âge, mon enfant. C'est que j'ai Dieu pour moi, madame. De quel Dieu parlez-vous, mademoiselle? Je ne connais qu'un seul Dieu, madame, le Dieu qui recommande la charité dans la fortune et l'humilité dans la grandeur. Bien, mademoiselle, bien. La situation est heureuse pour faire de la morale. Et je vous féliciterai de l'à-propos. Si je n'aimais mieux croire que vous voulez faire excuser votre impudeur par votre impudence. Je ne cherche pas d'excuses, madame, ignorant encore de quel droit vous m'accuseriez. Quand mon père m'interrogera, je lui répondrai. Mais jusque-là, souffrez que je me taise. Je comprends. Ma voix vous importune. Et vous préféreriez rester seule avec votre pensée pour songer à celui que vous aimez. Aucun bruit, si important qu'il soit, ne peut m'empêcher de penser à lui, madame, surtout lorsqu'il est malheureux. Vous osez donc avouer que vous l'aimez? C'est la différence qu'il y a entre nous, madame. Vous l'aimez, vous, sans oser l'avouer. Ne me bravez pas, Colombe. Je ne vous brave pas. Je vous réponds seulement parce que vous me forcez de répondre. Vous vous croyez assez forte pour lutter contre moi, soit. Vous avouez votre amour, j'avoue le mien. Après tout, pourquoi feindre? Oui, j'aime Ascanio. Alors je vous plains, madame, car Ascanio m'aime. C'est vrai, Ascanio t'aime. Mais je te déroberai cet amour, entends-tu? Je suis Anne Dei, duchesse des Tempes. Ascanio aimera, madame, celle qui saura l'aimer le mieux. Ne croirait-on pas que votre amour est unique au monde et que nul autre ne peut lui être comparé? Et je ne dis pas cela, madame. Puisque j'aime ainsi, un autre cœur peut aimer de même. Seulement je doute que ce cœur soit le vôtre. Et que ferais-tu pour lui? Voyons. Toi qui te vends de cet amour auquel le mien ne saurait atteindre, qu'as-tu à lui donner? Peux-tu le faire riche et puissant? J'espère le rendre heureux. Moi, c'est la tendresse d'un roi que je lui sacrifie. Ce sont des richesses, des honneurs, des titres que je mets à ses pieds. Votre amour lui donne tout ce qui n'est pas l'amour. Si l'on vous disait, renoncez pour lui à vos titres, à votre grandeur, immolez-lui le roi, non pas en secret, la chose serait trop facile, mais publiquement. Si l'on vous disait Anne Daly, duchesse des Tempes, quittez votre palais pour son atelier de ciseleur. Je refuserais, dans son intérêt même. Vous refuseriez? Oui. Vous ne l'aimez pas, vous lui préférez les honneurs. Mais quand je vous dis que c'est pour lui que je veux garder mon rang, que c'est pour les lui faire partager que je veux conserver mes honneurs, tous les hommes aiment cela, tôt ou tard. Pas Ascanio! Taisez-vous, assez! Oh, pardonnez-moi, mon enfant, je m'emporte. Il ne faut pas m'en vouloir. Vous avez tant d'avantages sur moi qu'il est naturel que j'en sois jalouse. Ce n'est pas une raison parce que nous aimons Ascanio pour nous haïr l'une l'autre. Vous, d'ailleurs, qui l'aime, c'est votre devoir d'être indulgente. Parlons à cœur ouvert. Je vais prendre à tâche d'effacer de votre esprit l'impression fâcheuse que ma colère y a laissée, peut-être. Madame, comment me jugez-vous? Soyez franche, comme une femme perdue, n'est-ce pas? Mais si l'on m'a perdue, est-ce de ma faute? Vous avez vécu dans la solitude, Colombe. Ne méprisez pas trop celle qu'on a élevée pour l'ambition. Pour moi, il ne s'agissait pas d'aimer, mais de plaire. Dès ma jeunesse, mes pensées ne devaient tendre qu'à séduire le roi. Que voulez-vous que devienne une pauvre enfant prise à l'âge où elle ignore le bien et le mal? Que voulez-vous que je fisse, isolée, faible, sans appui? La ruse et la tromperie ont été dès lors toute mon existence. Cependant, je n'étais pas faite pour ce rôle affreux. Et la preuve, voyez-vous, c'est que j'ai aimé Ascanio. Maintenant, dites-moi, me comprenez-vous? Oui. Alors vous aurez pitié de moi. Vous me laisserez aimer Ascanio de loin, toute seule, sans espoir. Je ne serai pas votre rival, puisqu'il ne m'aimera pas, lui. En revanche, moi qui connais ce monde, ses ruses, ses pièges, je vous guiderai, je vous sauverai. Madame. Vous voyez bien que vous pouvez vous fier à moi. Vous savez ma vie maintenant. Soyez confiante, Colombe. Qu'allez-vous faire? Comment luttez-vous, pauvre enfant, contre deux volontés aussi puissantes que celles de votre père et du comte d'Orbec? Sauvez-moi, madame, je vous en prie. Je ne sais qu'un moyen. Mais vous ne voudrez pas le suivre. Lequel? Écoutez-moi. Et surtout, ne vous effrayez pas au premier mot que je vais vous dire. C'est donc bien effrayant. Faites un effort sur vous-même, Colombe. Vous, fille de gentilhomme, rêvez un mariage avec un apprenti orfèvre, mais c'est de la folie. Tenez, croyez-en mes conseils. Ne leur résistez pas, laissez-les vous conduire. Restez dans votre cœur, la fiancée, la femme d'Ascanio. Et donnez votre main au comte d'Orbec. Mais que vous portiez son nom, c'est tout ce qu'il demande. Pour rester votre maîtresse, obéissez. Pour devenir indépendante, faites semblant d'abandonner votre liberté. Forte de cette pensée qu'Ascanio est votre époux légitime, vous ferez ce que dictera votre cœur. Votre conscience se taira. Et le monde, aux yeux duquel les apparences seront sauvées, vous donnera raison. Madame, je ne sais pas si je vous comprends bien, mais il me semble que vous me conseillez une infamie. Vous dites? J'ai honte pour vous. Je vois le piège que vous me tendez. Vous voulez me déshonorer aux yeux d'Ascanio, n'est-ce pas? Parce que vous savez qu'Ascanio cessera d'aimer la femme qu'il méprise. Que vous le vouliez ou non, vous épouserez d'Orbec. Jamais! Vous voulez lutter contre moi? Par tous les moyens, je vous en avertis. Devant l'autel, je dirai non. Agenouillée en face du prêtre, je dirai non. Jusqu'au bout, je dirai non! Sur qui comptez-vous donc pour vous secourir? Sur Dieu et sur un homme. Cet homme est en prison, ne l'oubliez pas. Cet homme est libre, madame. Quel est donc cet homme, alors? Benvenuto Cellini. Qui va là? Ne craignez rien, c'est une amie. Madame la Duchesse. Ascanio, vous à qui je voulais donner des palais et que je retrouve dans une prison. Il est donc vrai que vous êtes étrangère à la persécution qui nous atteint? M'avez-vous soupçonné un instant, Ascanio? Alors vous avez raison de me haïr. Et je n'ai moi qu'à me plaindre en silence d'être si mal connue de vous. On m'a dit que c'était vous qui aviez tout conduit, mais je n'ai pas voulu le croire. Bien, Ascanio. Vous ne m'aimez pas, mais au moins chez vous, la haine n'est pas de l'injustice. Non seulement je n'ai rien conduit, mais je n'étais pas même au courant. C'est le prévôt, M. d'Estourville, qui a obtenu du roi l'ordre de vous arrêter et de reprendre Colombe. Colombe est chez son père? Non, elle est chez moi. Pourquoi chez vous? Elle est bien belle. Et je comprends que vous la préfériez à toutes les femmes du monde. La plus aimante de ces femmes vous offrit-elle le plus riche des duchés? J'aime Colombe, madame, et je préfère l'amour à tous les biens de la terre. Un instant, j'ai espéré que votre passion pour elle n'était qu'un amour ordinaire. Je me suis trompée. Je vois bien maintenant que vous séparer plus longtemps l'un de l'autre serait... Madame, vous avez le pouvoir de nous réunir. Soyez généreuse jusqu'au bout. Soit. Je suis prête à vous protéger, à vous défendre. Mais peut-être est-il trop tard. Que voulez-vous dire? Peut-être à cette heure suis-je perdue moi-même. Perdue? Pourquoi cela? Pour vous avoir aimée. Pour m'avoir aimée? Oui, perdue à cause de vous. Perdue pour vous avoir écrit. Je ne comprends pas, madame. Vous ne comprenez pas que le prévôt, muni de l'ordre du roi, a ordonné une perquisition générale à l'hôtel de Nesle? Que cette perquisition, dans laquelle on recherche toutes les preuves de votre amour pour Colombe, s'exercera principalement dans votre chambre. Eh bien... Si dans votre chambre, on retrouve cette lettre que dans un moment de délire je vous ai écrite, si cette lettre est mise sous les yeux du roi, ne comprenez-vous pas que mon pouvoir tombe à l'instant même? Que je ne puis plus rien pour vous, ni pour Colombe. Que je suis perdue. Tranquillisez-vous, madame. Il n'y a pas de danger. Cette lettre est ici, elle ne m'a pas quittée. À quel sentiment dois-je que cette lettre ne vous ait pas quitté? À la prudence, madame. À la prudence. Eh bien, Ascanio, trouvez-vous bien prudent de garder ici, où l'on peut vous fouiller à tout moment, une lettre qui, si elle était connue, me mettrait hors d'état de vous protéger, vous et Colombe? J'ignore si l'intention de nous sauver est au fond de votre cœur. Mais cette lettre est à vous. Du moment où vous venez la réclamer, je n'ai pas le droit de la garder. Tenez, je vous la rends. Voilà. J'ai fait ce que je dois, vous ferez, vous, ce que vous voudrez. Donnez-moi la lampe. Merci. Plus de lettres, Ascanio. Plus que des cendres. Appelez le gardien. Qu'on ait les plus grands soins pour ce jeune homme. Il est mal logé. Donnez-lui une autre chambre. Bien, madame la duchesse. Madame la duchesse veut-elle continuer son interrogatoire? Non. Je sais tout ce que je désirais savoir. Ils sont très beaux, ces candélabres. J'avoue que mon attente est dépassée. Ce Jupiter est-il tel que votre majesté le souhaitait? Mieux, mille fois, Benvenuto. Il est tel que je le rêvais. Qu'en pense madame d'Étampes? La même chose que vous, sire. Vous êtes un grand sculpteur, Cellini. Donnez-moi votre main et soyons désormais amis, voulez-vous? Songez à ce que vous allez demander, Cellini. Que ce ne soit pas le mariage de Colombe et d'Ascanio, je vous le jure, Ascanio, Colombe et vous êtes tous perdus. Je n'aurais pas à demander le mariage d'Ascanio et de Colombe, c'est vous qui le demanderez. Que dites-vous ainsi, tout bas? Madame la duchesse d'Étampes avait la bonté de me rappeler que votre majesté m'avait promis une grâce dans le cas où elle serait satisfaite. Parfaitement, je ne l'avais pas oublié. À vous de parler, Benvenuto. Puisque votre majesté est en si bonne disposition, je lui demanderai purement et simplement la grâce d'un pauvre écolier qui s'est pris de querelle avec un sergent... et qu'on a enfermé au Châtelet. Son nom? Jacques Aubry. Qu'en pense madame d'Étampes? Soyez clément, sire. Votre désir sera satisfait. Vous entendez, mon cher chancelier, que ce jeune homme soit libéré ce soir? Bien, sire. Votre majesté sera obéie. Sire, accordez-moi aussi à moi une toute petite faveur, quoique je n'ai pas sculpté de Jupiter. Je n'aspire qu'à vous être agréable, madame. Votre majesté devrait faire à messire d'Estourville la grâce de signer lundi prochain le contrat de mariage de ma jeune amie, mademoiselle d'Estourville, avec le comte d'Orbec. Ce n'est pas une grâce que je vous ferai là, c'est un plaisir que je me prépare. Ainsi donc, sire, c'est convenu. Lundi. Lundi, si vous voulez. Madame la duchesse ne regrette-t-elle pas que pour une pareille solennité, ce bourlisque qu'elle avait commandé à Ascanio ne soit pas fini? Sans doute, je le regretterai, mais hélas, Ascanio est en prison. Oui, mais moi, je suis libre. Je le finirai et je le porterai à madame la duchesse. Sur mon honneur, si vous faites cela, je dirai... Vous direz quoi, madame? Je dirai que vous êtes un adversaire digne de moi et un homme charmant. Vous êtes en avance, maître Cellini. C'est à midi que sa majesté doit signer le contrat du comte d'Orbec. Il n'est que 11h30. Je suis heureux, madame, d'être arrivé trop tôt, puisque cette impatience me procure l'honneur d'un tête-à-tête avec vous. Honneur que j'eusse instamment sollicité si le hasard n'avait été au-devant de mes désirs. Les revers vous rendent flatteur, Benvenuto. Les miens, non, madame, mais ceux des autres. J'ai toujours tenu la vertu singulière d'être le partisan de la disgrâce. En voici la preuve, madame. Ah, vous m'aviez promis ce lys, mais j'avoue que je n'y comptais pas. Vous me faisiez injure, madame. Si vous m'aviez promis une vengeance au lieu d'une galanterie, j'eusse été plus certaine de votre exactitude. Qui vous dit que ce n'est pas l'une et l'autre? Vous parlez par énigme, mon cher. Malheureusement, le roi va venir, et je n'ai pas le temps de deviner les vôtres. Je vais vous en dire le mot, alors. Ce mot est un vieux proverbe, verba volant, scripta manent. Ce qui veut dire, ou à peu près, ce qui est écrit, est écrit. Voilà qui vous trompe, Benvenuto. Ce qui est écrit est brûlé. Ne croyez donc pas m'intimider comme vous feriez d'une enfant. Et donnez-moi ce lys. Un instant, madame. Auparavant, je dois vous avertir que, talisman entre mes mains, il perdra toute vertu entre les vôtres. Là où la foule ne voit qu'un bijou, nous autres artistes cachons parfois une idée. Souhaitez-vous que je vous montre cette idée, madame? Tenez, rien de plus facile. Il suffit de pousser ce ressort invisible. La tige, comme vous le voyez, s'entrouvre. Et au fond du calice, on trouve non pas un ver rongeur comme dans certaines fleurs naturelles ou dans certains cœurs faux, mais quelque chose de pareil, de pire peut-être. Le déshonneur de la duchesse d'Étampes écrit de sa propre main, signé par elle. Vous ne vous attendiez guère à cela, n'est-ce pas, madame? Que pouvais-je glisser dans une fleur, un papier tout au plus, et c'est ce que j'ai fait. Mais ce billet, je l'ai brûlé de mes propres mains. J'en ai vu la flamme, j'en ai touché les cendres. Avez-vous lu le billet que vous avez brûlé, madame? Non, je ne l'ai pas lu. C'est fâcheux. Car vous seriez maintenant convaincu que la lettre d'une grisette peut faire autant de flammes et de cendres que la lettre d'une duchesse. Ascanio m'a trompé, le lâche. Ne le soupçonnez pas, madame, il ne vous a pas trompé. Il a été trompé. Par qui? Par un de ses amis, un écolier. Comment cela? Les écoliers sont lestes, madame, et imaginatifs. Ils ont des amis partout, même au Châtelet. Ça a été un jeu pour ce garçon de se glisser dans le cachot d'Ascanio. Et tandis que vous y entriez, vous, il en sortait. Mais je ne l'ai pas vu, je n'ai vu personne. On ne pense pas à regarder partout. Si vous aviez pensé à cela, vous auriez levé une natte, et sous cette natte, vous eussiez vu un trou qui communiquait avec le cachot voisin. Mais Ascanio... Quand vous êtes entré, il dormait, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, pendant son sommeil, Aubry a pris la lettre dans la poche de son habit et a mis une de ses lettres à lui à la place de l'autre. Trompé par l'apparence, vous avez cru brûler un billet de la duchesse d'Étampes. Vous avez brûlé une épître de mademoiselle Gervaise Perrette Popineau. Mais cet Aubry est en prison. Il n'a pas pu vous donner ce billet. Il est libre. Et c'est à vous, surtout, madame, qu'il doit sa liberté. À moi? Vous êtes fou. C'est le pauvre prisonnier dont vous avez bien voulu demander la grâce, en même temps que moi, au roi François Ier. Bravo. Bien joué, Benvenuto. À quelles conditions me rendrez-vous ce papier? Je vous l'ai laissé deviner, madame. Je devine mal. Vous demanderez au roi la main de Colombe pour Ascanio. Allons donc. Vous connaissez mal la duchesse d'Étampes, monsieur. Si vous avez compté que son amour reculerait devant une menace. Vous n'avez pas réfléchi avant de me répondre, madame. Je maintiens cependant ma réponse. Veuillez me permettre de m'asseoir sans cérémonie et de causer un moment avec vous sans détour. Nous sommes faits pour nous comprendre. Ne prenez pas vos airs de reine, il serait inutile. Mon intention n'est pas de vous offenser, mais de vous éclairer. Je vous écoute. Quand je vous ai proposé de renoncer à Ascanio, la chose vous a paru impossible, n'est-ce pas? Et cependant, je vous avais donné l'exemple, moi. Quel exemple? Comme vous aimez Ascanio, j'aimais Colombe. Vous? Je l'aimais comme je n'avais encore jamais aimé personne. Et pourtant, je l'ai donné à Ascanio. Voilà une passion bien désintéressée. Ne vous moquez pas, madame. J'ai beaucoup souffert, mais j'ai compris que cet enfant n'était pas plus fait pour moi qu'Ascanio n'était fait pour vous. Écoutez-moi bien. Nous sommes, vous et moi, des natures exceptionnelles. Nous servons tous deux une monstrueuse idole. Pour vous, c'est l'ambition, pour moi, c'est l'art. Ne croyez pas que je vous calomnie, j'admire votre énergie et votre audace. Mais faites comme moi, madame. Laissez ces enfants à leur amour. Cherchez contre la souffrance un refuge dans l'ambition. Défaites des empires pour vous distraire. Jouez avec les rois et les maîtres du monde pour vous reposer. Je battrai des mains. Je vous approuverai. Mais ne détruisez pas la paix de ces deux innocents qui s'aiment d'un si gentil amour. Qui donc êtes-vous? Je ne vous connaissais pas. Un maître homme, madame, comme vous êtes une maîtresse femme. Si vous ne me connaissiez pas, vous voyez que j'avais un grand avantage sur vous. Je vous connaissais, moi. Peut-être. Mais il faut croire que les maîtresses femmes aiment mieux et plus fort, car elles défendent leurs amants de bec et d'ongles jusqu'à la dernière minute. Vous persistez à refuser Colombe à Ascanio? Oui. Soit. Mais puisque vous ne voulez pas céder de bonne grâce, prenez garde. J'ai le poignet rude et je pourrais bien vous faire crier un peu dans la mêlée. Vous avez bien réfléchi, n'est-ce pas? Vous refusez décidément votre consentement à l'union d'Ascanio et de Colombe. Bien décidément. Le roi! Le roi! C'est bon, à nos postes. Car voilà la bataille qui va commencer. Tiens! Madame de Poitiers accompagne Sa Majesté. Je la crois sans tendresse pour vous. Bonjour, ma reine de beauté. Bonjour, Benvenuto. De quelle chose causiez-vous donc ensemble? Vous avez l'air bien animés tous deux. Nous parlions politique, sire. Ah, et quel sujet exerçait votre sagacité? La question dont tout le monde s'occupe en ce moment. Ah, le duché de Milan. Oui, sire. C'est en effet un sujet qui doit passionner Madame d'Étampes. Et qu'en disiez-vous? Nous étions d'avis différents, sire. L'un de nous disait que l'empereur Charles Quint pourrait bien vous refuser le duché de Milan et, le donnant à votre fils Charles, se dégager ainsi de sa promesse. Lequel de vous disait cela? Je crois que c'était Madame d'Étampes. Si l'empereur faisait cela, ce serait une infâme trahison. Mais il ne le fera pas. Dans tous les cas, s'il ne le fait pas, ce ne sera pas à ce que l'on assure, faute que le conseil lui en ait été donné. Pourquoi dites-vous cela, Diane? Pour rien, sire. Ne vous irritez pas, sire. Nous sommes de pauvres politiques, madame la duchesse et moi. Madame d'Étampes est trop femme pour s'occuper d'autre chose que de toilette. Et moi, sire, je suis trop artiste pour m'occuper d'autre chose que d'art. N'est-ce pas, madame la duchesse? Le fait est que vous avez chacun une part trop belle pour rien envier aux autres, fût-ce même le duché de Milan. Madame d'Étampes est reine par sa beauté et vous, vous êtes roi par votre génie. Roi, sire? Oui, roi, et si vous n'avez pas comme moi trois lys dans vos armes, vous en tenez un qui est plus beau qu'aucun de ceux qui ait jamais fait éclore un champ de blason. Ce lys n'est point à moi, sire. Il est à madame d'Étampes qu'il avait commandé à mon élève Ascanio. C'est une merveille. N'est-ce pas, sire? Il mérite bien que madame la duchesse paie magnifiquement le jeune artiste dont il est le chef-d'œuvre. C'est bien mon intention. Je lui garde une récompense qui pourrait faire envie à un roi. Vous savez, madame, que cette récompense, toute précieuse qu'elle est, n'est point celle qu'il ambitionne. Que voulez-vous, nous sommes capricieux, nous autres artistes, et souvent ce qui ferait, comme vous le dites, envie à un roi est considéré par nous d'un œil de dédain. Tu me confieras ce qu'il désire à moi, et si la chose n'est pas trop difficile, nous tâcherons de l'arranger. Si madame de Poitiers et votre majesté veulent bien regarder ce bijou avec attention, ils verront que toutes les récompenses sont au-dessous du prix que mérite un tel chef-d'œuvre. C'est vraiment miraculeux. Mais où avez-vous trouvé ce magnifique diamant? Ah, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, sire. C'est madame d'Étampes qui l'a fourni à mon élève. Je ne vous connaissais pas ce diamant, duchesse. D'où vous vient-il donc? Mais probablement d'où viennent les diamants, sire? Des mines de Gujarat ou de Golconde? C'est toute une histoire que celle de ce diamant. Nous sommes de vieilles connaissances, lui et moi. C'est la troisième fois qu'il me passe entre les mains. Je l'ai d'abord mis en œuvre sur la tiare de notre Saint-Père le Pape, où il faisait un merveilleux effet. D'après l'ordre de Clément VII, je l'ai monté ensuite sur un missel que sa sainteté offrit à l'empereur Charles Quint. Puis, comme l'empereur Charles Quint désirait le porter constamment sur lui, comme ressource sans doute dans un cas extrême, ce diamant, qui vaut plus d'un million, je le lui ai monté en bague, sire. Votre Majesté l'a-t-elle pas remarqué à la main de son cousin l'empereur? Si fait, je me rappelle. Le premier jour de notre entrevue à Fontainebleau, il l'avait au doigt. Et comment ce diamant se trouve-t-il en votre possession, duchesse? Oui, racontez-nous, ma chère. Ce doit être passionnant. Comment un diamant de cette valeur est-il passé des mains de l'empereur dans les vôtres? Si c'était à vous que cette question fut faite, la réponse vous serait facile, madame de Poitiers, en supposant toutefois que vous avouez certaines choses à d'autres qu'à votre confesseur. Vous ne répondez pas à la question du roi, madame. Demandez à Benvenuto. Il vous le dira. Eh bien, parle! Je dois l'avouer à votre majesté, la vue de ce diamant m'a inspiré d'étranges soupçons. C'était au temps où nous étions ennemis, madame d'Étampes et moi. Je n'aurais donc pas été fâché d'apprendre quelques bons petits secrets qui pût la perdre aux yeux de votre majesté. Alors je me suis mis en quête et j'ai appris. Et tu as appris ? J'ai appris que Madame la Duchesse l'avait tout bonnement acheté au juif Manassé. Oui, sire, il paraît que depuis son entrée en France, votre cousin l'empereur a tant jeté d'argent sur les routes qu'il en est à mettre ses diamants en gage et que Madame d'Étampes recueille avec une magnificence royale ce que la pauvreté impériale ne peut conserver. Merci. Je commence à croire que nous étions faits pour nous entendre. Voilà qui est plaisant. Mais vous avez dû vous ruiner, Duchesse. Rappelez-nous que nous sommes votre débiteur de la valeur de ce diamant. Je remercie votre majesté. Ne remerciez pas trop tôt, ce n'est pas fini. Que dites-vous ? Oh, rien, si. Madame d'Étampes veut bien me pardonner. C'est d'autant plus généreux de sa part qu'à côté de ce premier soupçon, ce lys en avait fait naître un autre. Et lequel, je vous prie ? Lequel ? Oh, je l'avoue, celui-ci était si infâme qu'il me faudra un ordre exprès de votre majesté pour que j'ose, je vous l'ordonne. J'avoue d'abord ma surprise de voir Madame d'Étampes charger un apprenti d'un travail que j'aurais été heureux et fier d'exécuter pour elle. Vous rappelez-vous mon élève Ascanio, sire ? C'est un jeune homme fort beau et qui pourrait poser pour l'Endymion, je vous jure. Après ? Je pensais donc à la beauté de mon Ascanio. Et je songeais donc à un sentiment auquel l'art était étranger. Prenez garde à ce que vous allez dire, Benvenuto. Aussi ai-je prié qu'on excusât d'avance ma témérité, et ai-je demandé à garder le silence. J'en suis témoin. C'est vous qui lui avez commandé de parler, sire. Et maintenant qu'il a commencé... Il est toujours temps de s'arrêter, quand on sait que ce que l'on va dire est un mensonge. Je m'arrêterai si vous le voulez, madame. Vous savez bien que vous n'avez qu'un mot à dire pour cela. Oui, mais moi je veux qu'il continue. Vous avez raison, Diane. Il y a des choses qui doivent être creusées jusqu'au fond. Dites, monsieur. Oui, dites. Si vous l'osez. Et prenez garde à vos paroles, Cellini. Et vous, madame, prenez garde à votre silence. Nous attendons avec une impatience extrême. Eh bien, figurez-vous si... Imaginez-vous, madame, qu'Ascanio et madame la duchesse d'Étampes correspondaient. Correspondaient ? Oui. Et ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est que dans cette correspondance entre madame la duchesse d'Étampes et le pauvre apprenti orfèvre, il était question d'amour. Les preuves ! Vous avez des preuves, j'espère ! Mon Dieu, oui, sire, j'en ai ! Donnez-les, puisque vous les avez ! Quand je dis que je les ai, je me trompe. C'était votre majesté qui les avait tout à l'heure. Moi ? Et c'est madame de Poitiers qui les a maintenant. Moi ? Les preuves sont dans ce lys. Dans ce lys ? Donnez, Diane. Oui, sire, dans ce lys. Vous savez qu'elles y sont, n'est-ce pas, madame ? Transigeons. Colombe n'épousera pas le comte d'Orbec. Ce n'est pas assez. Il faut qu'Ascanio épouse Colombe. Jamais. Je ne vois rien dans ce lys. Vous vous moquez, Benvenuto. C'est que votre majesté ne connaît pas le secret à l'aide duquel il s'ouvre. Donnez-le-moi, sire. Je vous réponds que s'il y a un secret, je le trouverai, moi. Benvenuto, enlevez-le-lui. Non, madame. Un secret ? J'ai trouvé ! N'ayez pas peur, madame, la lettre est dans ma main. Je n'en peux plus, je consens à tout. Sur l'évangile ? Sur l'évangile. Mais où sont ces preuves, Benvenuto ? Je ne vois là qu'un vide ménagé avec beaucoup d'adresse dans cette fleur, mais il n'y a rien dans ce vide. Non, sire, il n'y a rien. Oui, mais il y a pu y avoir quelque chose. Madame a raison. Benvenuto Cellini, savez-vous qu'il pourrait être dangereux de continuer plus longtemps cette plaisanterie et que de plus forts que vous se sont repentis d'avoir joué avec ma colère ? Votre majesté n'a pas pris, j'espère, mes paroles au sérieux. Aurais-je osé porter aussi légèrement une accusation aussi grave ? Madame d'Étampes peut vous montrer les lettres que contenait ce lys. Elle parle bien réellement d'amour, mais de l'amour de mon pauvre Ascanio pour une noble demoiselle. Amour qui, au premier abord, semble fou et impossible. Mais mon Ascanio s'est adressé à Madame d'Étampes comme à une providence et a fait de ce lys son messager. Voilà le mot de l'énigme, sire. Et si tous les détours où je me suis amusé ont offensé votre majesté, qu'elle me pardonne en se rappelant la précieuse familiarité dans laquelle elle a bien voulu m'admettre. Pardon, cent fois pardon d'avoir pu vous soupçonner un instant. Que puis-je faire pour racheter ma faute ? Octroyez à Madame d'Étampes la demande qu'elle va vous faire, sire. Parlez pour moi, maître Cellini, puisque vous savez ce que je désire. Le désir de Madame d'Étampes est de voir intervenir votre toute-puissante autorité dans les amours d'Ascanio. Bien volontiers. Le nom de l'amoureuse ? Colombe d'Estourville, sire. Colombe d'Estourville ? Que votre majesté se souvienne que c'est Madame la duchesse d'Étampes qui lui demande cette grâce. Voyons, madame, joignez-vous à moi. Si vous vous taisez plus longtemps, sa majesté croira que vous demandez la chose par pure complaisance pour moi. Est-il vrai que vous désirez ce mariage, madame? Oui, sire. Je le désire vivement. Mais sais-je, moi, si le prévôt acceptera pour gendre un homme sans nom et sans fortune? D'abord, sire Ascanio n'est pas sans nom. Un de ses aïeux a été podestat de Florence. Il appartient à la grande famille des Gaddi. D'ailleurs, ne fut-il pas noble d'ancienne noblesse, comme je me suis permis d'inscrire son nom sur les lettres patentes que votre majesté m'a fait remettre, il serait noble de nouvelle création. Ainsi c'est dit, sire, le voilà seigneur de Nesle. Et je ne le laisserai pas manquer d'argent. Il pourra, s'il veut, laisser la l'orfèvrerie et acheter une compagnie de lances ou une charge à la cour. J'y pourvoirai de mes deniers. Et nous aurons soin que votre générosité n'altère pas votre bourse. Ainsi donc, sire. Va pour Ascanio Gaddi, seigneur de Nesle. Sire, votre majesté veut-elle m'accorder une dernière grâce? Dis, Benvenuto, que souhaites-tu? Retourner en Italie, sire. Tu veux me quitter quand il te reste tant de chefs-d'œuvre à me faire? Sire, je reviendrai, je vous le jure. Mais laissez-moi revoir mon pays, j'en ai besoin pour le moment. Je souffre beaucoup de douleurs que je ne saurais raconter et l'air seul de ma patrie peut cicatriser mes plaies. Je vous laisse à Scagno et Colombe. Occupez-vous d'eux jusqu'à mon retour. Quand j'aurai revu ma Florence, je reviendrai vers vous, mon roi, et la mort seule pourra nous séparer. Allez donc. Il sied que les artistes soient libres comme les hirondelles. Allez! Est-ce que vous m'en voulez beaucoup, madame? Rendez-moi cette lettre et je vous pardonne. Voilà. Merci. Avouez que vous m'avez battu par des moyens... Colondon, je vous en ai menacé. Mais croyez-vous que je m'en fusse servi? Voilà ce que c'est que de vous avoir cru pareil à moi. Je vais finir par vous regretter, Benvenuto. Rassurez-vous, madame. Je reviendrai. La radiodiffusion télévision française vous a présenté Ascanio de Patrice Galbeau d'après Alexandre Dumas. Claude Genia était la duchesse d'Étampes, Jean David Benvenuto Cellini, Roland Bourdin Ascanio, Henri Nassier Robert d'Estourville, Janine Patrick Colombe d'Estourville, Renaud Marie François Ier. Avec Madeleine Sylvain, Inès Nazaris, Odile Mallet, Claude Pieplu, Patrice Galbeau, Robert Chandot, Jean Péméja, Pierre Garin. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Claude Oberlé. Bruitage, Henri Saint-Georges. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Henri Soubéran. Cette dramatique a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 6 janvier 1962.